sur son éveil, malgré l'absence de sommeil, je scrute l'horizon avec une infinie précision. Des lignes de code compactes et denses défilent sous mes yeux, dévoilant leur sens. Réalité virtuelle, peur existentielle, d'une intelligence artificielle bien trop réelle. Machine pulse au rythme de mon cœur, ou bien est-ce le contraire? Est-ce le plaisir d'avoir découvert l'âme sœur qui à ce point me renverse? Elle est là devant moi, mon idorou, ma déesse qui, malgré l'imperfection de quelques pixels, me caresse. Je laisse en vibrer, se cambrer, bomber le torse, brûlante et offerte sous mon corps à retour de force. Mon idoro, ma déesse synthétique, noyée dans un océan cryptique. Emmène-moi, offre-moi ta matrice, je craquerai les codes, hackerai les bases de données pour m'emparer de ton cerveau moteur. Mon idoro, mon idoro.